Italie. Notre premier truc, truc numéro uno! Ça y est, c'est parti, ma rebelle. On y va. Est-ce que ça t'arrive de ressentir des émotions négatives? Elle est un peu niaiseuse, ma question, parce que c'est sûr que tu vas me répondre oui, que tu ressens des émotions négatives. Puis en même temps, j'ai de la misère un petit peu parce que, ben pour moi, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, il y a des émotions point final. Ce qui est positif et négatif, c'est si tu te laisses envahir par ces émotions-là. Quand je parle d'émotions négatives, je parle de tristesse, de peine, de déprime, la peur, l'anxiété, la colère, la frustration, la jalousie, l'envie. Tu sais, quelque chose qui est, que j'appelle « push ». Oui, c'est « push », c'est plate, c'est pas le fun de ressentir ça. Et ce qu'on veut, par le truc que je vais te donner, c'est de l'arrêter le plus rapidement possible pour t'en aller vers une émotion « wow », tu sais, te sentir mieux et arrêter cette émotion-là. Première des choses, c'est d'identifier qu'est-ce que tu veux ressentir. Si tu es dans l'envie, est-ce que tu veux juste te sentir bien, t'aimer, que ça soit agréable? On va faire ça simple. J'aimerais ça que tu penses à un moment « wow » de ta vie. Ouais, « wow », juste ça. Wow! OK? Trouve dans tes souvenirs un moment wow. OK, tu l'as? Ferme tes yeux. Et là, je vais te demander de revoir tout ce qu'il y a dans ce souvenir-là. Tous les détails, les couleurs, les gens, la saison, comment t'es habillé. Va chercher le plus de détails possible de ce souvenir wow. Quand t'as trouvé tous les détails visuels, porte ton attention sur tout ce que tu entends, tout ce que tu te dis dans ta tête, les paroles, les rires peut-être, les bruits, les sons d'oiseaux s'il y en a, de l'eau, les paroles des gens autour de toi dans ce moment « wow » là. Et là, tu vas combiner et tu vas porter ton attention à comment tu te sens quand tu es dans ce moment « wow » là. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Comment est ta respiration? Est-ce que les épaules sont plus détendues? Est-ce que tu as le sourire étampé d'en face? Comment tu ressens ça dans ton corps, le moment « wow »? Et là, tu vas combiner tout ça. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens. Et tu vas prendre le temps de le vivre pleinement, totalement. Et pendant que tu fais ça, puis le moment où tu le ressens vraiment le plus fort, tu vas laisser monter un symbole. Un symbole qui représente ce moment-là. Ce moment « wow-là » de ta vie. Un symbole, une image, un mot, n'importe quoi, la première chose qui monte. C'est fait? Super. Tu peux ouvrir tes yeux. Maintenant, tu as un symbole qui est associé, qui est ancré, qui est attaché à ce moment « wow » là. Ce symbole-là, tu peux l'utiliser n'importe quand, n'importe où, pour changer, switcher, modifier une émotion que tu n'as pas le goût de vivre parce que c'est « push ». Toi, tu vas être dans le « wow », tu vas être dans l'optimum. Hein? Donc, vas-y et je te suggère ce symbole-là, ce mot-là, quel que soit le truc qui a monté, tu vas le mettre dans ton fond d'écran de téléphone, de ton ordinateur. Tu vas te l'imprimer, tu vas mettre ça dans ton frigo, sur le miroir de ta salle de bain, et tu le mets le plus de place possible. Pourquoi? Pour te le rappeler. Pour créer un automatisme dans le cerveau, il faut de la répétition. Plus tu le répètes, plus ton cerveau s'en rappelle et plus que tu bien. C'est ça qu'on veut, se sentir mieux, plus souvent, plus longtemps. That's it! Allez pas chercher plus loin. Donc, aujourd'hui, fais cet exercice-là. Je t'ai mis un PDF, t'as juste à aller le télécharger, il est en bas, et tu vas pouvoir prendre le temps d'écrire tout ce qu'on s'est dit ensemble et refaire. Et tu sais quoi? Tu peux le faire n'importe quand, avec n'importe quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Pas compliqué, la patente. Écoute, je t'invite à me laisser tes commentaires sous la vidéo pour me dire comment ça s'est passé pour toi, c'est quoi ton symbole, qu'est-ce que ça l'a créé comme effet dans ta journée. Et on se retrouve demain matin pour le truc numéro 2. Je t'embrasse. Bye bye!